se démerde comme on peut. Au ministère de la débrouille, on veut une part équitable, impulsif, comme le nettoyeur dans Nikita. Farachnikov, néochrome. Dès le plus jeune âge, on apprend le sens de la débrouille. Tout se déroule comme prévu, on n'a jamais cru au compte de fées crouilles. On aurait pu l'écrire avec le sang de ta dépouille. Tous au bord du gouffre, est-ce que tu sens ta découille? Champion de la découpe, à l'âge de 16 piges, on vise tous le jean, 500 L, poussons Red Skins. Ghetto prestige, caractère très speed. Soit tu fais ta place, soit tu cherches à taper l'esquive. Inch'Allah qu'on sortira de ce guetté. J'pense aux longues peines et à la fatalité de ce métier. Des larmes en fontaine qui consternent les plus épiés. Allahu a'lam. Ça vous concerne si vous y étiez. On sait ce qui pollue le mental. À l'heure où tes pompes de sac à main demeurent une erreur monumentale. N'écoutez pas ce que les trouillards disent. Laissez faire l'artiste. On a opté pour la débrouillardise. Jeune et débrouillard, égaré dans le brouillard. Déclarer ton brouillard, jeune et débrouillard. Préparer les douillards, c'est le ministère de la débrouillard. Jeune et débrouillard, égaré dans le brouillard. Déclarer ton brouillard, jeune et débrouillard. Préparer les douillards, c'est le ministère de la débrouillard. On vit au jour le jour, vu que l'État nous pousse à bout. 12 mois sur 12 coups, c'est vrai qu'on touche à tout. Combien de mitonnes, nique sa mère le podium. À l'heure où tu kiffes ton idole, kick sa mère d'eau chaude. Lyrique sa mère, opium d'une jeunesse en détresse. On sera jamais frère si dans tes veines coule le sang des traîtres. Biche, tu le sens des lettres, l'histoire se répète. Le taux d'exception, c'est une victoire pour sans défaite. Va savoir dans quel travail tu baignes, ce qu'il va falloir que tu payes. Là où le chitane porte des cravates, tu baignes. Pense à ceux que tu aimes, à la recherche d'une lueur dans ce tunnel. La mort t'invite pour une danse funèbre. C'est tout pour le bif, surtout esquive leur justice. Car si demain elle te crève, y'aura ni bondage ni rustine. On sait qui rusqui, qui nous fustige. Bande de suspites, on a la rage pour combustible. Jeune et débrouillard, égaré dans le brouillard. Déclarer ton brouillard, jeune et débrouillard. Préparer les douillards, c'est le ministère de la débrouillard. Jeune et débrouillard, égaré dans le brouillard. Déclarer ton brouillard, jeune et débrouillard. Préparer les douillards, c'est le ministère de la débrouillard. On veut le Porsche à Tony, quitte à en perdre l'oreille. Apprends à faire de l'oseille au lieu de croire au Père Noël. Adepte du système, déni, voit rien de personnel. On déterre la hache pour celui qui enterre nos rêves. On veut le Porsche à Tony, quitte à en perdre l'oreille. Apprends à faire de l'oseille au lieu de croire au Père Noël. Adepte du système, déni, voit rien de personnel. On déterre la hache pour celui qui enterre nos rêves. J'ai commis des erreurs et je m'en rappelle. Avec du recul et j'aurais pu respirer ma peine. Y'a plus rien à gratter, alors pousse les thunes. Si on est tous têtus, c'est qu'on veut tous des thunes. Garde la mentalité du vainqueur. Fuck Lester, les stéréotypes du journal de 20h. Fais le plein, viens, on s'arrache vers d'autres sphères. On m'a rien offert, alors je me sers avec les autres frères. Jeune et débrouillard, égaré dans le brouillard. Déclarer ton brouillard, jeune et débrouillard. Préparer les douillards, c'est le ministère de la débrouillard. Jeune et débrouillard, égaré dans le brouillard. Déclarer ton brouillard, jeune et débrouillard. Préparer les douillards, c'est le ministère de la débrouillard. Jeune et débrouillard, égaré dans le brouillard. Déclarer ton brouillard, jeune et débrouillard. Préparer les douillards, c'est le ministère de la débrouillard. Jeune et débrouillard, égaré dans le brouillard. Déclarer ton brouillard, jeune et débrouillard. Préparer les douillards, c'est le ministère de la débrouillard.